Dimi, vous nous retrouvez, vous avez d'ailleurs suivi avec beaucoup d'intérêt cette sortie d'Evgeny Prigojine. Est-ce que dans sa sortie, il a réussi véritablement à lever un véritable pan de voile sur ce qu'est la véritable mission de son groupe paramilitaire appelé Wagner? Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, merci de m'avoir invité. Bonsoir à nos auditrices et auditeurs. Et merci surtout à Afrique Média TV pour cette interview parce que je crois qu'elle est fondamentale, importante. Et ensuite, encore une fois, il y a des argumentaires qui ont été mis en avant, en exergue par Monsieur Prigojine. Après, si les gens ne sont pas d'accord, il faut contre-argumenter. L'interdiction et la répression ne sert à rien, mais ça n'est pas constructive. Et il faut contre-argumenter. Alors, il est revenu sur plusieurs points. Plusieurs points qui ont été soulevés. L'orientation générale de son discours, il est il s'oriente autour de l'implication du groupe Wagner sur le continent et sur le fait que son implication s'oriente vers la lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que Wagner intervient. C'est ce qu'il a mis en exergue. Wagner intervient contre le terrorisme. D'ailleurs, si on a un repère historique à ce niveau-là, pourquoi? Parce que on sait que, par exemple, le groupe Wagner avait commencé en Syrie, tout avait commencé en Syrie, lorsque Wagner, on se souvient que Wagner avait mis en exergue une efficacité extrême dans la destruction de l'État islamique. On se rappellera quand même que Wagner, à l'époque, était constitué entre 1500 et 3000 hommes, et que son efficacité extrême surpassait l'armée régulière syrienne, qui elle était constituée de 200 000 hommes, et que le groupe Wagner surpassait aussi les soldats des armées alliées présentes sur place. Et de là, de cette intervention de Wagner en Syrie, forcément, il y a plusieurs pays, plusieurs gouvernements qui ont appelé Wagner. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément sur lequel est revenu M. Prigojine, c'est qu'effectivement, il a rappelé que Wagner n'était pas financé par le gouvernement russe. Il a rappelé qu'effectivement, M. Prigojine est un businessman, c'est quelqu'un qui fait de la finance internationale, et que les fonds de Wagner provenaient de ses relations commerciales. C'est tout ce qui est plus légal, en fait. Il y a d'autres dirigeants dans le monde qui font la même chose. Il y a des oligarques français qui font exactement la même chose. C'est tout ce qui est plus légal. Quatrième élément qui a été soulevé, c'est que, alors, c'est un quatrième élément, c'est encore un point historique. Je pense que c'est important de rappeler ce point historique-là, parce que pour corroborer ce qu'a dit M. Prigojine, dans le sens où Wagner intervient aussi contre les groupes terroristes, puisqu'on se souvient que. Vous vous souvenez, surtout dans les médias occidentaux, l'impérialisme français et autres, ont pas mal mis en exergue dans les médias on dit, ouais, Wagner est financé par des minerais, il s'accapare, vous savez, les diables Wagner, le diable russe qui s'accapare les matières premières africaines. Un point historique quand même, parce que les possibilités financières. Alors, une fois qu'on a compris que certains gouvernements légitime appelle le groupe Wagner à la rescousse pour les aider. Ben, oui, effectivement, il y a des gouvernements africains et autres qui n'ont pas forcément les possibilités financières de lutter contre le terrorisme. Parce que les terroristes, comme l'État islamique, ils ont du fric, eux, par contre. Et certains gouvernements qui luttent contre ces groupes terroristes, appelés un chat un chat, certains gouvernements qui luttent contre ces fous, parce que l'État islamique sont des fous, eh bien, ils n'ont pas assez d'argent. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver des finances. Donc, ces différents gouvernements ayant appelé le groupe Wagner ont proposé de payer le groupe Wagner en minerais. Alors, qu'est-ce qui a été rétorqué par le groupe Wagner? C'est qu'effectivement, de toute façon, les minerais, l'exploitation des minerais n'était pas très lucrative, et surtout que leur coût était très élevé. Donc ça, c'est un débat, et c'est surtout ce qu'a colporté les médias menteurs occidentaux. Et on en revient au cinquième point. Sur le fait que les goûts, encore une fois, je le répète, mais vous m'excuserez de le répéter, cet élément-là, mais c'est important de répéter que les gouvernements qui ont appelé Wagner, y a une base de principe sur laquelle ces gouvernements prennent leurs décisions, qui est l'autodétermination des peuples. Ces gouvernements sont légitimes et ils sont ils sont en droit d'appeler qui ils veulent, ils sont en droit de travailler avec qui ils veulent, en fait. S'ils décident d'appeler le groupe Wagner parce qu'ils ont été très efficaces en Syrie et ailleurs contre ces fous de l'État islamique, bah, rien de, c'est tout à fait normal que ces gouvernements légitimes travaillent avec eux. Alors, ensuite, il y a trois éléments qui sont ressortis de du discours de M. Prigozhin. Premier élément, c'est effectivement, c'est qu'il a rappelé que Wagner intervient d'une manière désintéressée. C'est le terme qu'il a employé, d'une manière désintéressée. Et c'est-à-dire qu'en fait, lorsque le groupe Wagner intervient sur le continent africain, entre autres, il n'intervient pas sur la base de rapports de dominant-dominé. C'est-à-dire qu'il intervient sur la barre de nouveaux rapports sociaux, économiques, politiques, qui sont en train de se modifier, des rapports qui reflètent, je finirai par ça tout à l'heure, qui reflètent un monde qui change, un monde multipolaire, je finirai par ça tout à l'heure. Et donc, et concrètement, il faut appeler un chat un chat. M. Prigozhin et Wagner ont de l'argent. Encore une fois, les fonds viennent de ces relations commerciales dans un cadre légal. Ils n'ont pas besoin de piller les Africains, en fait. Vous voyez, ils interviennent sur une base morale. C'est un devoir, en fait. C'est presque un devoir de classe qu'ils mettent en application. Donc là, c'est le premier point qu'il a soulevé, qui me paraît très important. Deuxième point qu'il a soulevé, que mon prédécesseur avait mis en exergue aussi, c'est vrai, il a parlé d'une nouvelle forme d'armée. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle forme d'armée qui se place en contradiction avec les vieilles armées des vieux pays impérialistes. C'est-à-dire les vieux pays impérialistes, comme par exemple l'impérialisme nord-américain ou l'impérialisme français, ont une armée symétrique. C'est une armée qui a les mêmes méthodes, c'est plus du revu, c'est la même manière de travailler. Et ça, malheureusement, les groupes terroristes connaissent le fonctionnement de ces armées-là. Les armées de l'impérialisme français ou de l'armée nord-américaine, leur fonctionnement symétrique, leur fonctionnement assez mécanique, ce fonctionnement est assez connu par les groupes terroristes. Et donc, on constate qu'en fait, non seulement les causes, on sait que le terrorisme, qu'est-ce qui fait que le terrorisme apparaît ? Bah, d'abord, c'est l'exploitation impérialiste, mais c'est aussi que l'impérialiste est incapable, de par des armées obsolètes, de lutter contre ces terroristes. Et donc, oui, effectivement, c'est une nouvelle forme d'armée mobile. C'est un petit peu l'image, si vous voulez, c'est un petit peu comme les guerrilleros cubains de la Sierra Maestra en 1956. Vous voyez, quand ils débarquent à Playa Girón, ils vont dégager Batista en 1959, personne ne les attend. Tout le monde, le monde entier leur dit Ernesto Che Guevara et au mouvement du 26 juillet, n'y allez pas, vous allez vous faire décimer. Puis finalement, ils ont gagné en 1959, ils ont fait une des plus grandes révolutions du monde. Et à l'époque, déjà, ce qu'ils avaient compris, le mouvement du 26 juillet, c'est que les groupes symétriques, les armées symétriques des vieux pays impérialistes, à un moment, deviennent obsolètes, parce qu'en fait, ce sont des armées professionnelles. Les militaires, chez nous, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, à un moment, quand vous gagnez beaucoup d'argent et que vous êtes dans une armée professionnel, ben vous n'avez pas trop bougé. Et ça, les terroristes le savent. Donc, M. Prigozhin a mis en avant une nouvelle forme d'armée qui est, en plus, ancrée dans le nouveau monde. C'est-à-dire que le nouveau monde, et je finirai par ça, indépendamment des causes, pour ne pas faire trop long, je reviendrai sur le post-Maïdan tout à l'heure, ce qu'il faut revenir sur les causes de la guerre d'Ukraine, le coup d'État fasciste de Maïdan. M. Prigozhin n'en a pas parlé, mais il aurait pu le faire. Le coup d'État fasciste qui a dans lequel on a vu l'impérialisme français et nord-américain organiser et financer les groupes néo-nazis, privé sector ou Svoboda. On sait que la CIA a investi en Ukraine en 1991 et 2014, ils ont investi plus de 5 milliards pour y installer un gouvernement américano-compatible pour éviter la jonction entre le Heartland et le Rimland, c'est-à-dire ce croissant qui englobe le continent russe, et l'Ukraine est une zone tampon. Elle permet d'éviter cette jonction, parce que la jonction entre le nord et le sud permettrait un accroissement fulgurant du continent eurasiatique. Et donc, cette nouvelle armée, dont parle M. Prigozhin, a très bien compris ça. Et elle a très bien compris que le nouvel ordre mondial est un monde, se présente, c'est un monde multipolaire, dédollarisé, dans lequel il va y avoir un bloc du nouveau monde à l'Est, dans lequel la Russie sera une force motrice, Et ce nouveau monde a très bien compris qu'elle doit lutter d'une autre manière contre le groupe terroriste. Elle doit s'armer d'une nouvelle manière. C'est une nouvelle forme de lutte. C'est une lutte qui est... Wagner est un groupe mobile, surentraîné, mobile. Et voilà, je pense que c'est... Alors, je finirai juste par un élément, effectivement, sur le fait que Afrique Média TV a fait ce qu'il fallait. Ils ont interviewé quelqu'un qui est important dans un contexte géopolitique mondial important. Effectivement, après, encore une fois, si on n'est pas d'accord avec ce qui a été dit, si certains gouvernements, notamment américains et autres, sont pas d'accord, pas qu'ils envoient des contradicteurs, moi, en ce qui me concerne, je suis ouvert au débat et à les discussions, et ce sont les contre-argumentaires, c'est l'argumentaire, la contradiction, le débat qui fera avancer le problème. C'est certainement pas la répression et les interdictions. Afrique Média, le monde, c'est nous.